Toujours à la même occasion, les permanents et membres de l'Union des femmes se sont réunis le 17 au Palais de la culture du peuple à Pyongyang. Y ont figuré les cadres intéressés et les membres de l'Union des femmes de la ville. Elles ont raconté avec émotion les bienfaits et affections ardentes du général Kim Jong-il accordés aux soldats révolutionnaires pendant des dizaines d'années depuis son intégration au comité central du parti, en conduisant le Parti du travail de Corée à la victoire et à la gloire.